On raconte que tout au long de ce chemin de croix, par trois fois, Jésus tomba. Et que par trois fois, des âmes charitables sortirent d'une foule en délire afin de soulager sa souffrance. Et voilà qu'on le traîne jusqu'à l'endroit du supplice, car le supplice ne fait que commencer. On transperce ses poignets et ses chevilles pour le clouer sur la croix. On dresse cette croix sur la colline du Golgotha qui domine la ville de Jérusalem. Et on laisse son corps suspendu au bois jusqu'au dernier souffle de vie. Il paraît, nous ont dit les témoins, qu'à midi ce jour-là, il faisait presque nuit. Il paraît, nous ont dit les témoins, qu'à 3 heures ce jour-là, la terre a tremblé. À 3 heures ce jour-là, Jésus est mort. Vite, vite, il fallait faire vite. La nuit allait tomber et le sabbat allait commencer. Or, pendant le sabbat, on ne fait rien. Et surtout, on n'enterre pas les morts. Vite, vite, on roula le corps de Jésus dans un linceul et on le déposa dans un tombeau tout neuf, creusé dans un rocher quelque part dans un jardin. Vite, vite, on roula devant l'entrée du tombeau une énorme pierre. Puis, tout le monde s'en alla. Que le jardin est calme en ce soir de printemps. À peine le bruit du vent dans les branches des oliviers vient-il troubler le silence. Le sabbat passé, au commencement du premier jour de la semaine, quand tout le monde reprend son activité normale, quelques femmes arrive au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais quel est ce bruit dans les feuillages? Mais pourquoi la pierre est roulée? Regardez, la tombe est vide. Jésus n'est plus là. Où est-il passé? Effectivement, où est-il passé? Car il s'agit bien d'un passage. Passage d'un ici vers un ailleurs. Passage d'un monde à un autre. Passage de la mort à la vie. Comment a-t-il roulé la pierre? Comment est-il sorti du tombeau? Mais alors, il est vivant, ressuscité. Passage, passage. Et dire qu'en hébreu, Pâques, ça veut dire passage.